Nous allons vous présenter donc un travail qui porte sur les instruments scientifiques de mesure de cette souffrance au travail, et plus particulièrement la question qui nous a préoccupés dans le cadre de cette recherche, c'est celle de savoir quelle était la vision du sujet, de l'individu qui était véhiculé au travers de ces instruments de mesure. Cette recherche s'inscrit dans une perspective critique et elle s'inscrit plus largement dans un programme de recherche qui interroge les méthodes de recherche que nous utilisons et les savoirs que nous élaborons, étant entendu qu'ils ne sont pas neutres mais qu'ils participent de la réalité sociale qu'on finira un jour par observer. Et dans le cadre plus précis de cette recherche, nous avons adopté une perspective foucauldienne, c'est-à-dire que nous considérons que le savoir que nous élaborons sur, en l'occurrence, la souffrance au travail ici, n'est pas neutre, mais qu'elle véhicule une certaine conception du sujet, qu'elle porte avec elle une certaine conception du sujet. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est celle de savoir quels sont les contours de l'individu qui sont dessinés finalement par ces instruments de mesure. Pour traiter cette question et vous présenter les résultats de ce travail, trois points clés. Je présenterai d'abord rapidement le cadre théorique, la méthodologie d'étude et ma collègue Sandrine Oléaudebert, les résultats ainsi que les implications en termes de recherche mais également en termes pratiques. Donc, en ce qui concerne rapidement la définition du savoir que nous adoptons, nous sommes appuyés sur les travaux avec d'autres chercheurs en sciences de gestion, les travaux de Michel Foucault, qui considèrent qu'un savoir, c'est avant tout effectivement un ensemble de pratiques discursives d'énoncés, mais que ces pratiques discursives et ces énoncés, ils sont autorisés par des pratiques matérielles et des pratiques sociales qui tout à la fois vont autoriser, permettre l'élaboration de ces pratiques discursives et, dans le même temps, légitimer ce savoir. Cette perspective a été souvent abordée, traitée en sciences de gestion, notamment par nos collègues anglo-saxons, qui se sont beaucoup intéressés aux disciplines des sciences de gestion et ont cherché à définir les contours du sujet qui étaient définis, travaillés, par ces différentes disciplines des sciences de gestion. Donc, à titre d'exemple, Barbara Tunley a mis en évidence que les pratiques de recrutement, d'évaluation du personnel dans le domaine des ressources humaines définissaient avant tout un sujet, l'expression anglo-saxonne, on l'a laissé ici, accountable, c'est-à-dire un sujet qui est tout à la fois capable de rendre compte de ce comportement, mais également susceptible d'en être tenu pour responsable. Nos collègues en comptabilité et contrôle de gestion, de leur côté, ont souligné le fait que ces pratiques de contrôle de gestion, en particulier les pratiques de contrôle budgétaire, sous-tendaient un individu qui était avant tout un individu libre de ses choix et de ses désirs, mais qu'il convenait bien sûr d'orienter ses désirs afin que ces derniers soient congruents à tout le moins compatible avec ceux de l'organisation. Donc nous nous sommes appuyés sur cette tradition de recherche en sciences de gestion pour nous pencher sur la question du savoir élaboré sur la souffrance au travail et la conception de l'individu véhiculée par ce savoir. Au lieu, comme on le fait assez souvent, de nous pencher sur les théories de cette souffrance, nous nous sommes intéressés à ces fameuses conditions matérielles qui permettent le savoir, autrement dit, les instruments de mesure qui sont utilisés par les recherches académiques, mais également par les entreprises dès lors qu'elles souhaitent évaluer la souffrance au travail, notamment le stress. Voilà pour l'objet et la justification de cette interrogation. En ce qui concerne la méthodologie de recherche, nous avons dans un premier temps sélectionné un certain nombre d'échelles et nous nous sommes appuyés de manière un peu arbitraire sans doute et on pourra en discuter pour certains contestables mais on peut justifier ces choix, sur des études bibliométriques. Autrement dit, nous avons pris les échelles que nous considérons comme étant les plus utilisées en sciences. D'une part via l'indice Arzing de citation des différentes échelles dans les travaux académiques en sciences sociales, mais également en médecine et dans les autres sciences qui travaillent, qui utilisent ce type d'échelle. Et puis, nous nous sommes intéressés également aux échelles qui étaient les plus souvent couramment utilisées en gestion. Donc, nous avons utilisé pour ce faire les indices de citation de la base Business Source Complete, qui est une base qui rassemble essentiellement des publications dans le domaine du management et de la gestion. Au total, nous avons retenu 7 échelles, 5 échelles qui mesurent la souffrance, 2 qui appréhendent plutôt des facteurs de risque plutôt que la souffrance elle-même. Et nous avons ensuite analysé le contenu de ces échelles en procédant à une analyse qualitative en 2 temps. Tout d'abord, nous avons procédé donc à une catégorisation a priori, puis à une catégorisation a posteriori des différents items. En ce qui concerne les échelles retenues, donc on a l'échelle PSS de Cohen, le MBI de Maslach et Jackson, l'échelle HAD d'anxiété et dépression de Zygmunt et Snaith, l'échelle ERI de Sigrist, l'échelle de Karasek bien sûr, l'échelle SF36 de Ware et Sherborne, et enfin l'échelle du GHQ de Goldberg et Hillier. Vous avez les indices de citation dans les 2 dernières colonnes. Vous pouvez remarquer que les échelles qui sont les plus utilisées par les collègues gestionnaires ne sont pas tout à fait celles qui sont utilisées quand on considère l'ensemble des disciplines. En gestion, on s'intéresse à l'épuisement professionnel en priorité. Ensuite, à la santé et aux facteurs de risque essentiellement. Alors que dans les autres disciplines, ce sont plutôt des indices généraux de santé qui intéressent les collègues. Pour la catégorisation et l'analyse, nous avons donc recensé d'abord l'ensemble des items contenus dans ces échelles en prenant la traduction française disponible de ces échelles. Donc on n'a pas utilisé les versions originelles en anglais, mais la traduction des échelles. Et nous avons opéré donc une catégorisation dans un premier temps a priori. Donc dans la catégorisation a priori, nous essayons de placer les items dans des catégories que nous avons définies effectivement a priori. Alors pour ce faire, nous avons retenu les 3 ensembles pratiques qui sont considérés par Michel Foucault comme étant ceux au travers desquels le sujet à une époque donnée se définit. Donc 3 ensembles pratiques: rapport aux choses, rapport aux autres et rapport à soi. Très rapidement cependant, il nous est apparu qu'un certain nombre d'items qui étaient présents dans les questionnaires ne rentraient pas correctement dans ces catégories définies a priori. Donc on a rajouté 2 autres catégories. Le rapport au temps, qui, vous le verrez, est une dimension très présente dans les échelles. Et enfin, le rapport à l'existence. En ce qui concerne la catégorisation a posteriori, nous avons voulu ensuite avoir une vision beaucoup plus précise du sens que revêtaient ces différentes catégories définies a priori. Et nous avons donc opéré des regroupements en comparant 2 à 2 les différents items par proximité de signification, ce qui nous permet de définir plus précisément le contenu des catégories. Je laisse le soin à Sandrine Ollet-Audebert de vous présenter les résultats de ce travail. Alors, peut-être commencer immédiatement par la première catégorie. Ben voilà, ça ne marche plus. Voilà. Le stress. Stress au travail. Ok, donc première catégorie, le rapport au temps. Quiconque a utilisé des échelles de mesure du stress au travail, la souffrance au travail, sait à quel point le facteur temps est un facteur très important dans les échelles d'auto-évaluation. Et bien entendu, on demande à l'individu de rendre compte de son état, d'apprécier son environnement ou ses relations dans le temps. Alors ce qui est intéressant quand on regarde qualitativement ces instruments quantitatifs, c'est de s'apercevoir que l'évaluation temporelle, elle comporte, on va dire, 3 dimensions. Une première, c'est d'essayer de savoir quelle est la fréquence. Donc ça consiste plutôt à essayer de connaître dans les modalités le niveau de fréquence de stress. Donc ça peut aller de jamais à tous les jours. Ça, c'est typiquement ce que propose le Maslach Burnout Inventory. Et puis sinon, on peut avoir une espèce de comparaison entre la situation actuelle vécue et un passé qui n'est pas toujours précisé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'essayer de comparer une situation par rapport à il y a un an à la même époque, ce qui n'est pas toujours évident. Ou bien on peut essayer d'évaluer la contrainte que représente le temps. Ça, c'est typiquement dans JCQ, c'est-à-dire Karasek, où on vous demande si la charge du temps dans l'exercice de votre travail devient beaucoup trop pressante et trop difficile à assumer. Ce qui veut dire dans notre analyse, finalement, que l'individu va tenir une espèce de comptabilité, finalement, des événements, de sorte qu'il est capable d'en donner une fréquence. Au-delà de ça, le temps, lui, va être compris comme une dimension presque objective qu'il est capable de positionner et même de sous-peser. Quand on regarde le rapport aux choses, alors ça c'est la deuxième, on va dire, dimension qui est comprise par Foucault dans les ensembles pratiques, l'individu, lui, est invité, on va dire, à évaluer des événements généraux, on va appeler ça les événements de la vie, ou des événements plus précis, comme par exemple des perspectives de promotion, typiquement l'utilisation de Sigrist. Les échelles concernées, donc à chaque fois, on a mis, ça ne concerne pas toujours toutes les échelles, les résultats. Donc il y a des échelles qui sont concernées par toutes les dimensions, mais vous allez le voir pour d'autres dimensions, elles ne sont pas toutes concernées. Par exemple, là, on peut les échelles en question, JCQ, RI, MBI, PSS et GHQ, vont appeler une appréciation du rapport aux choses selon quatre dimensions, l'évaluation des exigences du travail et des marges d'autonomie, classiquement. C'est le questionnaire de Karasek, c'est-à-dire que je suis capable d'évaluer les exigences du travail et la capacité, on va dire, la latitude décisionnelle. Ça peut être également l'évaluation du travail réalisé, des efforts fournis. Une évaluation des récompenses reçues au regard des efforts, si vous avez déjà vu le questionnaire de Sigrist, on est bien là-dedans, c'est « compte tenu de mes efforts et mes récompenses, je considère que je suis correctement rétribué, par exemple. Et ça me perturbe ou ça me perturbe pas, puisque c'est la totalité de l'item. La capacité ou bien à maîtriser ou contrôler des événements, voilà aussi sur ce rapport aux choses. Ce qui veut dire dans notre analyse, c'est que l'individu va entretenir un espèce de rapport transactionnel aux choses qui peut lui entraîner forcément les frustrations. De cette absence finalement de réciprocité va naître une espèce d'épuisement, de stress. Le rapport aux choses n'est pas systématiquement subi, il peut même y avoir une maîtrise des événements ou une prédiction des événements qui vont amener le stress. Troisième résultat dans la dimension rapport aux autres. L'individu va évaluer ses relations avec autrui. C'est-à-dire qu'on le met dans une situation où il est capable de dire ce qu'il pense de ses collègues, de sa hiérarchie, des clients, des patients. Et donc, là encore, ses relations avec autrui peuvent constituer un facteur de souffrance, comme une variable affectée par l'état de souffrance donc de l'individu. Là encore, on est sur JCQ, RI, MBI et SF36. Le rapport aux autres s'apprécie selon trois dimensions. L'évaluation du travail d'autrui, je considère que finalement les autres me ralentissent dans mon travail, c'est un exemple de Karasek. Une évaluation de l'état de l'individu sur autrui, c'est-à-dire que mon état peut affecter les autres. Et puis, encore une fois, une évaluation des récompenses reçues pour l'individu. Encore une fois, l'individu va entretenir un rapport, on va dire, transactionnel avec les autres. Plus que ça, finalement, c'est un investissement. Là, on commence à voir se dessiner un collègue de travail qui est non seulement obligé d'analyser son rapport en permanence avec les autres comme un investissement. Alors, le rapport à soi, c'est vraiment l'individu qui est invité à rendre compte de lui-même, c'est-à-dire qu'il appelle à dire son état, à apprécier la souffrance selon ses symptômes, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent, et ces échelles-là rendent compte d'un niveau d'énergie, de fatigue, d'un niveau d'activité. Hein. Le stress est avant tout un manque d'activité. Quand on n'est plus en activité, on est forcément en souffrance. Hein. Ça, c'est assez, ça se lit quand même assez bien. De tension, d'énervement, d'émotion sur l'état de santé. Là encore, l'individu est donc capable d'évaluation, de réflexivité. Et ce qui importe n'est pas la souffrance en tant que telle, mais son incidence sur l'énergie et l'activité de l'individu. Hein, on ne pourrait pas imaginer qu'un individu n'ait pas d'activité, mais son travail doit comporter forcément une activité, ce qui pourrait, enfin, je veux dire, tout ce qui peut concerner la créativité dans le travail n'est absolument pas regardé. Ça ne constitue pas, ou la contemplation, la réflexion. Non, le manque d'activité signifie, ou l'absence d'activité signifie un problème finalement de stress. Alors ça ne concerne, le rapport à l'existant ne concerne que deux échelles, CHAD et GHQ. Et ça a du sens, hein, puisque ce sont des échelles qui sont au départ, hein, proviennent de disciplines de psychiatrie notamment. Les échelles donc vont décliner ce rapport selon des dimensions. Alors on a prendre du plaisir, ressentir des peurs, des angoisses, espérer, penser que la vie vaut quelque chose. C'est quand même pas rien. Le rapport à l'existence se définit donc par des orientations générales, sans que ces orientations n'aient d'objet. Hein, dans les questionnaires, notamment de GHQ, est-ce qu'il m'arrive de penser que la vie en vaut la peine ? On ne dit pas du tout qu'on parle du travail. Hein. Là encore, l'individu qui remplit le questionnaire pourrait très bien faire cette projection, parce que les 50 questions précédentes étaient reliées au travail et à l'appréciation de mon travail avec mes collègues. Bon, vous l'avez compris, notre observation qualitative des instruments quantitatifs montre que l'individu, nous pouvons le qualifier finalement de calculable, en rapport avec les travaux justement de Tunley dont vous a parlé Florence au début de l'intervention. Cet individu est comptable hein, des événements, hein, de cette capacité de relater précisément et presque... avec ce poids, un individu rationnel qui contribue au monde dans lequel il évolue par son niveau d'activité, mais pas un acteur au sens où, par exemple, les discours stratégiques et managériaux vont pouvoir l'imaginer, c'est-à-dire libre, autonome, dans l'action. Là, ça n'est pas ce que cela reflète, si on regarde effectivement ces instruments. Alors, les pistes de recherche, hein, c'est effectivement de savoir ce que ce type hein, d'instruments de mesure peuvent véhiculer, notamment sur les savoirs managériaux. Ne sont-elles pas elles-mêmes, hein, ces mesures vecteurs de souffrance ? Est-ce que ces traits rapportés participent hein, justement de la définition de l'individu à lui-même de sa souffrance ? Est-ce que lui-même définirait les choses comme cela, bon, ben, je pense que les entretiens qualitatifs nous montrent parfois le contraire. L'idée aussi est effectivement de sensibiliser les professionnels en charge de la prévention des risques psychosociaux pour peut-être montrer qu'en utilisant ces instruments de mesure, ils participent déjà de cette définition.